24. Down the food, up. Down the four. Down the food, up. Round the four. Down the food, up. Down the four. Down the food, up. Down the four. Down the four. Down the four. Booty pocket. mountain. Celui des réducteurs en proie cueillant les fleurs de la bohème. Le souvenir que du vacarme et se gare en bandoulière. Est-il censé que je m'assoie pour retenir ce poème? Oh,